O Betani Maboko. Ouais. Ma mon Kili Mobimba. Et au numéro 9, Samuel Eto. Vote Singa. La vie, l'hypocrisie, la jalousie, qu'on sort, j'en ai pas envie. L'amour et la haine vont de pair. La haine et l'amour, quel duo d'enfer. Toujours l'un sans l'autre, sans l'une, l'autre, on ne peut l'être. L'autre là, l'autre là, à quoi ça sert? Tout ce que l'on perd, y a rien à faire. La terre est mon repère. L'autre là, signé mon part. Laurent Lorenzo, ouais. Simon Bongo. Jacques Moutoua, allez. Ici, c'est nous la casse. Et pas fait la copa. Ça me fait gomber. Chibo Apula. Gambono, yambaloyo, yaka bena litaka. Toko motale na makambango bena likolo. Ah, Godard motemona. Petit nana saï saï fisto, oka moko di mopo. Martin Ekra, les grands géants. Oui, maman, y'a ma Jojo, signore. Béa, béa. Pichou, balégué, y'a ma Jojo. Érigué, béa, béa. Walter Mugnagna. Y'a ma Jojo. Béa, béa. Nico, évite bien. Béa, béa. Edia Taba, on est ce maquia du papa Jonathan. On t'a mal dit que l'on fait, son homolo. Sortina, nous, c'est ici, cocati, c'est balété. Polo, baka, ma béa, gandote. Bayaka fleur d'amour, Gofé Kanga. Petrol, Lincoln, trois fois interdit, trois fois sain.